Nous reprenons la mer, l'âme navrée, content d'échapper à la mort, mais pleurant, les amis. Nous gagnons Ayayé, une île qu'a choisie pour demeure Circé, la terrible déesse, douée de voix humaine. Nous arrivons au cap, et sans bruit, nous poussons jusqu'au fond du mouillage. Un dieu nous pilotait. Sans tarder, l'on débarque, et 2 jours et 2 nuits, nous restons étendus, accablés de fatigue et rongés de chagrin. Quand, du 3e jour, l'aurore aux belles boucles annonce la venue, je prends à bord ma pique et mon estoc à pointe, et quittant le vaisseau, je grimpe à la vigie. Tout compté, le parti le meilleur me sembla de regagner d'abord le navire et la plage, de donner le repas, puis d'envoyer mes gens reconnaître les lieux. Je rentrais au croiseur. Au coucher du soleil, quand vient le crépuscule, on s'étend pour dormir sur la grève de mer. Dans son berceau de brume, aussitôt qu'apparaît l'aurore aux doigts de rose, j'appelle tout le monde à l'assemblée. Lorsque j'ai fait l'appel, je partage en 2 camps tous mes hommes guetterés. Chaque bande a son chef. C'est moi-même pour l'une, et pour l'autre, Eurylock, au visage de Dieu. Nous secouons les sorts dans un bonnet de bronze. Il en saute celui d'Eurylock au grand cœur, qui se met en chemin avec ses 22 hommes. Les partants, les restants, tout le monde pleurait. Il trouve dans un val, en un lieu découvert, la maison de Circé au mur de pierre lisse, et tout autour, changés en lions et en loups de montagne, les hommes, quand leur donnant sa drogue avait ensorcelé la perfide déesse. À la vue de mes gens, loin de les assaillir, ces animaux se lèvent, et de leur longue queue en orbe les caressent. Tel le maître, en rentrant du festin, voit venir ses chiens qui le caressent, sachant qu'il a toujours pour eux quelque douceur. C'est ainsi que les lions et loups aux fortes griffes fêtaient mes compagnons, qui tremblaient à la vue de ces monstres terribles. Mais les voici debout, sur le port de la déesse aux belles boucles. Ils entendent Circé chanter à belle voix et tisser au métier une toile divine, un de ces éclatants et grands et fins ouvrages dont la grâce trahit la main d'une déesse. Elle accourt, elle sort, ouvre sa porte reluisante et les invite. Et voilà tous mes fous ensemble qui la suivent. Fuyant le piège, seul, Eurylock est resté. Elle les fait entrer, elle les fait asseoir aux sièges et fauteuils, puis, leur ayant battu dans son vin de pramos du fromage, de la farine et du miel vert, elle ajoute au mélange une drogue funeste pour leur ôter tout souvenir de la patrie. Elle apporte la coupe, ils boivent d'un seul trait. De sa baguette, alors, la déesse les frappe et va les enfermer sous les têtes de ses porcs. Ils en avaient la tête et la voix et les soies, ils en avaient l'allure, mais à eux persistait leur esprit d'autrefois. Les voilà enfermés. Ils pleuraient, et Circé leur jetait à manger faine, glands et cornouilles, la pâture ordinaire aux cochons qui se vautrent. Or, vers le noir croiseur, Eurylock rentré voulait nous raconter le triste sort des autres, mais il ne pouvait plus, quel qu'en fût son désir, proférer un seul mot. Son âme était navrée d'un trop rude chagrin. Ses yeux se remplissaient de larmes, et son cœur débordait de sanglots. Étonnés, nous tâchions de savoir, mais en vain. Il nous raconte enfin la perte de ses gens.